On a la parole. On a la parole. On a la parole. On a la parole. On a la parole sur Radio Dieu. On a la parole. Et on va la garder, la parole. Yes. Sur Radio Dieu. 89.5. Asile de nuit featuring Anne et Floire. Liberté. Radio Dieu sur 89.5. C'est loin d'être idiot. Ça remplit plein les oreilles. Rock. Liberté d'expression. On tchatche, on tchatche, on tchatche. On parle, mais la musique est là, au centre. Et on écoute. On écoute. On a la parole. On écoute. On a la parole. Sur Radio Dio 89.5. C'est à Saint-Thé, ça. C'est à Saint-Thé. Exactement, à Saint-Thé, avec la nef et l'asile de nuit. Saint-Thé, mon petit Paris. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le 89.5 de Radio Dio, sixième émission, on a la parole, sixième épisode, et avec notre animateur vedette, j'ai nommé Nasser, salut à toi. Salut, salut. Alors qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui? Alors aujourd'hui il y a des moments musicaux, des moments qui ont été choisis par les animateurs autour de la table. Un thème sur l'inflation qu'on mettra en place, un reportage d'une personne qui utilise des paniers Couramio sur Saint-Chamond, un live de Las Vegas de moi-même, un live de rap. Gros big up. Ouais, et une conclusion avec Antisocial. De Polo. Eh oui, le rock'n'roll sera présent donc dans cette journée. Et cette émission consacrée à l'inflation et avec toute l'équipe aujourd'hui, je crois que tout le monde va se présenter, c'est ça que oui, qui se passe maintenant. Oui, il y a un tour de table, hein, on va tous se présenter. Alors qui donc est dans l'équipe aujourd'hui sur On a la parole? Eh bien bonjour à tous, je m'appelle Elsa et je viens participer à cette émission pour la première fois à On a la parole. Bonjour à tout le monde, c'est Mohamed avec vous. Excusez-moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler, je suis en service minimum. On rappelle que cette émission est enregistrée un 7 mars, jour de grosse, grosse grève, ce qui expliquera les petites blagues et sans doute les références qu'il y aura dans la thématique aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Léa, donc je suis très contente de revenir pour la deuxième fois, du coup. Bonjour, moi c'est Lionel. Je suis content de voir cette émission, ça me paraît bien et tout, et que ça continue, voilà. Bonjour auditeurs, auditrices, Sandy, et très heureuse d'être là, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Bonjour, je m'appelle Polo, ça fait deux ou trois fois que je viens à Radio Dio. Bienvenue à la maison, Polo. C'est qu'ils ont une discothèque d'enfer. Et on va commencer tout de suite d'ailleurs par ce côté discothèque et par une musique, non? Avec Lionel. Lionel qui nous propose. Célébration The Call and the Gang. Et il faudra que tu me répondes un petit peu après pourquoi tu as choisi ce titre. Bah, tu peux nous le dire tout de suite d'ailleurs. Alors là, comme disait Polo, j'ai choisi cette chanson parce qu'elle est émouvante, elle est bien et tout. J'ai vu le concert à Lyon en 2011, ça m'a ébloui tout ça et voilà. Cool and the Gang. Celebration. Celebration. Disco music pour commencer, ouais. On a la parole épisode 6, c'est parti. Celebrate. There's a a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. And have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time, yeah, yeah. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! It's a it's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate, come on now. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. On a la parole. L'émission depuis l'asile de nuit, un chez soi d'abord, la nef et la rue, avec et pour les personnes touchées par la précarité. 89.5. Alors nous allons parler de l'inflation. Le sujet du jour c'est l'inflation. On peut parler aussi de... Moi j'aimerais bien parler de... Du tabac, par exemple, du tabac qui est différent, qui a des différents prix selon les pays. Selon les pays, le tabac est moins cher ou plus cher. En France, il est excessivement cher. Quand on voit que des pots de tabac sont à 50 ou 60 euros les 300 grammes, alors qu'en France, on les paye 180 ou 200 euros. Il y a des marges qui sont faites et qui sont abusées, quoi. Alors peut-être le cadre un petit peu de l'inflation, c'est vrai que du coup c'est quand, moi je regarde une définition vite fait pour partir, c'est quand il y a une perte de pouvoir d'achat de la monnaie et que ça se traduit par quoi ? Et bien par une augmentation générale et durable des prix, et c'est ça qu'on vit, c'est ça aussi que tu viens de lancer, c'est ça qu'on propose un petit peu de discuter entre nous aujourd'hui. Ouais. Moi je me demandais juste déjà au débat, vous avez fait des réunions avant sur le thème. Comment est-ce que est venu, comment est-ce que vous avez décidé du thème d'aujourd'hui, pourquoi ? C'est Lionel qui avait eu l'idée de parler de l'inflation. Du coup, on a tous réagi assez positivement sur ce sujet. Et du coup, on a décidé de partir sur ce plan-là. Oui, Polo, quand on pense qu'il y a plein de jeunes qui sont obligés de chercher les mégots dans la rue pour pouvoir rouler une cigarette, tellement le tabac est cher, ne serait-ce que... Donc j'imagine une famille pour remplir le frigo et mettre de l'essence dans la voiture, ça doit être hyper dur. Ouais. C'est très émouvant, effectivement, ce que vous expliquez aujourd'hui, Polo. Et c'est la réalité de beaucoup de ménages qui, effectivement, sont frappés par l'augmentation des prix. Y a plein de choses qui augmentent de jour en jour. Tous les produits du quotidien, hein, alimentaires aussi, qui augmentent. Et tout le monde est frappé, effectivement. Et d'autant plus les gens qui sont confrontés à la précarité. Mmh. On avait notamment parlé sur l'alimentaire, comme tu disais Elsa, des produits de base que en vrai, enfin tout le monde consomme et qui font qu'augmenter. Il me semble que c'est Lionel qui avait un peu lancé ce sujet-là, de l'alimentaire, des produits de base qui avaient vachement augmenté. Ouais, ben... Léa. Ouais, comme disait Léa, ouais, c'est on revient sur mon sujet. Ouais, je trouve que les prix en ce moment... Ils ont augmenté de plus en plus. Ça serait bien que le gouvernement parle d'un côté pour remettre la parole surtout aux jeunes. Mais est-ce que tu crois que la hausse des prix va entraîner justement le fait que le gouvernement donne la parole aux jeunes? On n'a pas vraiment l'impression tout de suite que ce soit leur réaction. Comment est-ce que tu vis, toi, par exemple, depuis que ça fait quand même un petit moment maintenant que la vie est vraiment plus chère? Je pense que tout le monde le sent, même quand on achète le moindre petit truc dans un magasin, que même le caddie pas cher, normalement, il est à 15-20 euros plus cher qu'avant. Ouais. Toi, t'as l'impression qu'il y a une réaction, par exemple, Lionel, toi, qui a proposé un peu ce sujet? Ouais, moi, j'en parle parce que je connais bien tout ça. J'en ai subi des conséquences, et voilà. C'est voilà. Quoi les conséquences, par exemple? Eh ben, la rue, l'asile de nuit, dehors, tout ça, voilà. Non, pour revenir aux produits, les produits sont vraiment de plus en plus chers dans les magasins. Il y a vraiment les produits de première nécessité, et puis même les produits là, d'à côté. Il y a une différence de caddie. Le panier, moi je fais 35 euros de course par semaine. En un an, j'ai vu la différence. Ce que je remplis avec 35 euros et ce que je remplis maintenant avec 35 euros, il y a une grosse différence. Ouais. Il y a beaucoup moins. Le panier, il est deux fois plus petit. Hein. Il est deux fois plus petit, ouais. Et du coup, est-ce que tu vas un peu faire des choix? Enfin, forcément, est-ce que tu vas être obligé du coup de sélectionner un peu de ce que tu vas acheter, limiter les plaisirs, ce genre de choses? Non, j'achète un peu de la marque quand même, j'achète des produits d'assez bonne qualité, je vais pas me priver, mais c'est sûr que j'ai moins à manger, donc je mange moins. Ah, du coup toi tu gardes le plaisir mais tu baisses la quantité? Ouais. Ok. Et vous, par rapport à ça, comment vous avez plutôt misé sur le fait de manger des produits à bas prix ou plutôt de manger moins, finalement? Moi, j'ai vécu la rue. Maintenant, je suis à l'asile, donc je paye. J'ai un repas tout à fait l'asile de convenable. Nuit, mais je pensais de, comme j'avais dit dans l'ancienne émission, je me rappelle d'avoir lu sur le journal que cette femme, qui avait deux enfants, elle mangeait les restes de ses enfants pour pouvoir vivre elle. Là, je pense que c'est le déclin. Oui, c'était un article que vous aviez lu dans le journal et dont vous nous aviez parlé. Mmh. Effectivement, c'est une réalité des faits. Il y a d'autres choses aussi qui montrent cette précarité qui est liée à l'inflation. On le voit de partout, dans la ville de Saint-Étienne. On voit des gens, des familles qui font la manche. Ça aussi, c'est un élément très visible qui marque cette précarité et la pauvreté. Et des gens qui n'ont pas d'autre solution que de passer à cet acte-là. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a un peu pointé déjà dans les autres épisodes de On a la parole. Moi, je pense que je suis arrivé à Saint-Étienne il y a 10-15 ans. Et je pense qu'en tout et pour tout, il y avait 3-4 personnes dans la ville qui étaient vraiment un peu régulièrement, qu'on voyait en centre-ville, en tout cas, à des endroits pour faire la manche. Que maintenant, on arrive dans ces situations où c'est presque la guerre des places devant chaque supérette. Et où il y a des gens, enfin moi je vois dans mon quartier, je vois des roulements par exemple, où devant tel magasin, le matin c'est telle personne, l'après-midi c'est l'autre, etc. Et qu'il y a vraiment un truc, je sais pas, toi c'est ce que un peu tu disais, qu'a changé dans la ville, ouais. Ouais, j'ai des copains qui changent, des copains à plusieurs endroits, qui changent, qui se prêtent, tu fais le matin, je fais l'après-midi, pour essayer d'avoir quelques pièces le matin et quelques pièces l'après-midi pour l'autre. Moi c'est Mohamed, je me pose une question, ça, qui est une question qui m'intrigue, c'est que nous les Français nous sommes réputés pour notre art culinaire mondialement. Je me pose la question si cette inflation, cette hausse des prix ne va pas toucher à cet acquis, cet art culinaire. À quel niveau tu veux dire C'est au niveau culturel. Est-ce que le français ne va pas perdre cet acquis parce qu'il n'a plus l'accès à des produits? Ah, tu veux dire que les gens ne cuisineront plus les produits traditionnels. C'est bien ça. Qui sont de plus en plus coûteux maintenant. Ah oui, c'est vrai que les produits de qualité sont de plus en plus coûteux. Mais il y a quand même des familles qui achètent du bio et que c'est hyper cher et qu'ils n'achètent pas une boîte de conserve qui est 10 fois moins chère. Une boîte de tomates pelées, c'est moins cher qu'une boîte de... Non, qu'un kilo de... ou 3 ou 4 tomates qu'il faudra éplucher. Une boîte de tomates, c'est de la tomate. Mais après ça, est-ce que avant cette période d'inflation, c'était pas déjà le cas dans tous les témoignages? On avait déjà parlé un petit peu d'alimentation dans cette émission. C'est que finalement aussi, de toute façon, quand on est à bas revenus, quand on n'a pas forcément, alors soit qu'on est à la rue, soit qu'on est en foyer, etc., que le fait de cuisiner de manière un peu élaborée, compliquée, en fait, c'est déjà foutu un petit peu entre guillemets. C'est ça. Ouais. Et on parlait aussi de... c'est pas que je fais les poubelles, mais quand je passe devant des poubelles ouvertes et que je jette un œil dedans, je vois tous ces légumes qui n'ont pas été finis, alors qu'il y a encore des préparations avec, si c'était encore propre. J'avoue franchement, des produits sous cellophane qu'ils ont même pas un jour de... et que les gens jettent. Alors, ou ils n'ont pas resté au frigo, ou alors il aurait fallu les faire cuire, les recongeler, les manger deux jours après. Il y en a qui jettent. Et évidemment, c'est pas chez les pauvres. Oui, mais le problème, c'est pas vraiment là. C'est le gouvernement. Les prix sont trop élevés. Les prix sont trop élevés. Et c'est vraiment... C'est excessif. Il nous serre la ceinture de plus en plus. Toi, tu penses que le gouvernement devrait prendre dans son budget pour amortir et réussir à faire baisser les prix? Ouais. Est-ce que tu crois que les magasins, ils vont baisser leurs prix? Parce qu'en fait, pour l'instant, qui sait qui ça arrange? Mais moi, j'ai l'impression, c'est quand même les magasins où on fait nos courses, Minel. Parce que eux, au final, ils gardent leur marge. Hein. C'est nous qui... Oui, eux sont gagnants. Ils sont gagnants dans cette crise. Mais il faut faire quelque chose, quoi. Faut que l'État agisse sur la baisse des prix. Il faut baisser les prix. Je vous propose qu'on continue cette discussion. On va faire une première respiration musicale avant. Il va y avoir un reportage qui va s'enchaîner justement pour alimenter un petit peu le débat. Et là, du coup, on passe la parole à Mohamed qui va nous présenter le prochain morceau. C'est ça, Polo ? Oui, Mohamed va nous présenter Biko de Peter Gabriel. Et je connais, donc je n'aurai pas de surprise, mais c'est un excellent show. Qu'est-ce qui a motivé ce choix, Mohamed ? Oui, voilà, moi je vous propose d'écouter cette chanson. Alors, de par le côté engagé de la chanson et aussi la qualité de celui qui l'interprète, c'est Peter Gabriel qui vous présente Biko. Et cette chanson a traité du problème racial après en Afrique du Sud, après la disparition de l'apartheid. Je vous invite à écouter cette chanson. C'est parti, sur le 895 de Radio Dio. This song was written for a very brave man. A man who preached non-violence in a state which has racism enshrined in its constitution. A man who was imprisoned, tortured, and killed in a jail in South Africa. This is for Stephen Biko. L'hommage au militant Steve Biko par Peter Gabriel qui a été choisi par Mohamed. Et je vous propose, eh bien, tout de suite de retrouver maintenant une interview réalisée par Nasser et Xavier en exclusivité mondiale pour On a la parole. Bon, bonjour Nadège. Bonjour Nasser. Je t'interviewe aujourd'hui pour l'émission On a la parole. Le thème de la journée, c'est l'inflation, les paniers Kouramio, les croix rouges et toutes les banques alimentaires, tout ça. Je pense que tu en fais partie. Oui, je vais au panier Kouramio. Panier Kouramio de Saint-Chamond. Oui. Et le panier Kouramio, tu peux me décrire exactement ce que c'est? Bah donc, c'est ouvert mercredi au vendredi les matins. Et en gros, c'est tu prends ta charrette et tu vas chercher à manger ce qu'ils ont, des légumes, des boîtes, les arrivages qu'ils ont. Et tu te fais servir et voilà, et tu donnes 1 euro par personne, voilà. 50 centimes par enfant. Voilà, j'allais te demander si c'était gratuit, donc en fait, il y a une petite cotisation. Ouais. Ben, 1 euro par personne et 50 centimes par enfant. D'accord. Voilà. Tu ramènes ta boîte d'œufs, tes sacs et ils te servent et après tu pars. Après, il y en a, ils ont le droit une fois tous les 15 jours suivant les revenus. Moi, c'est une fois par semaine, soit tu vas le mercredi, soit le vendredi. Mais c'est vrai que ça sert, il y a quand même des légumes. Avant, il y avait des pâtes, de l'huile, des produits de base, quoi. Bon, il y a de moins en moins, mais ils font leur maximum, quoi. Ça fait combien de temps? Bah, j'y étais, après j'ai travaillé, j'y suis retourné quand je citais au RSA, quoi. Donc combien de temps en tout, je sais pas. Et il y a eu du changement entre la dernière fois que j'y allais et les nouvelles fois? Il y a moins en moins de collectes et plus en plus de monde. Beaucoup plus de monde? Ouais, des nouveaux bénévoles. Il y a plus grand chose, quoi, mais bon. Il y a plus grand chose? Non, bah non, parce qu'il y a les collectes, à mon avis, dans les magasins, ça doit. Vu que les courses ont augmenté, et puis il y a du monde, trop de monde, quoi. Donc il n'y a plus assez. Il n'y a plus assez, quoi. Il n'y a plus de pâtes, il n'y a plus d'œufs. Ouais. Pour toi, tu trouves que c'est une utilité pour toi ou Ah quoi? Bah oui, oui. Merci Coluche, quoi. Non, bah si, il y a des fois, je ne mangerais même pas si j'avais pas ça, quoi. D'accord. Donc ils font un bon boulot. Il y a du monde, il y a du monde. Bah, il y a de plus en plus de monde, ouais. Plus en plus, y a tous les genres, tous les styles. Et il y en a de plus en plus, ouais. Et il y a moins en moins de collectes. Et sur l'inflation, sur les courses, parce que tu fais des courses à côté dans les magasins, je pense. Plus maintenant, mais ouais, je plus sais que ma mère les fait et tout, et tout a augmenté, quoi. La viande, les œufs, le lait, c'est tout augmente, quoi. Les gens, l'huile, tu les entends aussi parler. Ouais, bah ouais, l'huile, je les entends parler. Ils n'arrivent même plus à faire un plein de courses. Avant, avec, je sais pas, 150 euros, tu t'en sortais en étant tout seul. Maintenant, il faut mettre au moins 200 euros de course, voire 300. Donc ouais, ça part vite, quoi. Tu peux plus t'acheter de viande, plus te faire plaisir. Ouais. Les gourmandises, c'est fini. C'est terminé, ouais. Ouais, les courses, c'est un sujet... Ouais. Tout le monde en parle, hein, je pense. Ouais. C'est dur. Tout augmente. Les courses, les factures, crise énergétique, la guerre, ça n'a pas aidé. Donc ouais, je ne sais pas ce que ça va faire, mais... C'est pour ça qu'il n'y a pas de collecte après au niveau des courses. Les gens, ils peuvent plus me donner. Ils ont déjà du mal à suivre eux. Donc, les courses, ouais, ça doit augmenter. Ouais. C'est le sujet de conversation de tout le monde dans le bus, des gens que tu croises, les amis, la famille. Je sais pas, ce qu'on va tous finir au panier Kouramio qui sera fermé. Là, et que penses-tu de la France à ce niveau-là, niveau courses, niveau... Est-ce qu'il... Un mois de mars compliqué, quoi. Compliqué, ouais. Je crois que ça va être toute l'année qui va être compliqué. Bon, ils augmentent pas beaucoup les salaires et toi, tu es, t'as quoi comme revenu? Bah, pour le moment, RSA, 520 euros par mois. Ouais, j'ai un peu d'APL. Et 520 euros, c'est vraiment dur, 520 euros pour habiter en France. Bah oui. En France, bah, après, c'est très non, dur. Il faut aller travailler, quoi. Faut pas attendre un peu les aides, mais c'est sûr que voilà. Hein. Donc travailler, mais il faut qu'il y ait du travail. Bah, il y en a, après c'est la voiture, c'est un peu tout, mais il y en a souvent un peu le boulot. Alors, on ne connaît pas l'avenir de panier Kouramio, alors. Ben ouais, c'est ça un peu, ouais. Mais bon, c'est sûr que ça sert dans la région, quoi, parce qu'il y en a beaucoup, ils ne mangeraient pas grâce à ça, hein. S'il n'y avait pas ça, quoi. Ça, ouais. C'est sûr. Est-ce que tu aurais un message pour le panier Kouramio? Eh ben, leur dire un grand merci aux bénévoles, à tout ce qu'ils font. que si on les avait pas, je sais pas ce qu'on mangerait. Et voilà, que ça nous sert bien et que j'espère que ça va durer dans le temps parce qu'on en a besoin. Merci Nadège. Merci Nadège pour ta participation et ta présence. Ben merci à toi de m'avoir interviewé et j'espère que tout le monde se fera entendre pour que tout aille mieux. Quoi. Bravo Nasser pour ce premier interview, il me semble, diffusé dans On a la parole en solo comme ça là. Ouais, exactement. Qu'est-ce que t'as pensé du coup d'aller interviewer comme ça sur le terrain? Bon, je pense que c'était une bonne initiative. Ça permet d'avoir des informations sur des structures qui existent. Et que toi, tu connaissais monde, déjà là les paniers Kumamio? Ouais, à une époque, j'y allais. Ok. À une époque, j'y allais. C'est ça qui t'a poussé à te dire, allez, je vais aller faire une interview ou... Ouais. Ok. D'accord. Je voulais que ça soit connu parce que c'est quand même connu, mais comme a dit Nadège, ils donnent de moins en moins de choses, ils en ont de moins en moins, et il y a beaucoup plus de monde. Donc ils arrivent à la fin de la collecte à virer du monde parce qu'ils n'ont plus rien à donner, quoi. Toi, t'es allé à un moment de collecte ou t'es allé à un moment à part un petit peu où t'avais rendez-vous avec elle? Comment est-ce que t'as monté un petit peu le rencard pour l'interviewer? Non, je suis passé chez elle et j'ai okay. interviewé chez elle. D'accord. Alors, course. Le stress de la première interview en privé comme ça ou non? Toi, t'as jamais peur, toi? Non, vite fait. D'accord. Bah c'était chouette en tout cas, bravo. Bravo vraiment pour le travail de questions que t'as fait et tout, c'est cool. Merci. Est-ce que peut-être il y a des choses que t'as envie de rajouter déjà à cette interview? Non. Non. Bah, alors peut-être des réactions là, oui, chère équipe de On a la parole. Et je trouve qu'il a fait un super interview et il faudrait avoir l'idée de le faire. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce qui a été dit du coup à l'intérieur? Ce qui a été dit, c'est ce que je vois un peu. C'est ce que je vois un peu tous les jours. Hein. C'est peut-être pas tout à fait les mêmes structures, les mêmes endroits, mais c'est un peu pareil. Ouais, style. Oui, moi je poserais bien une question la à. Fontaine. Non, la Fontaine, non, mais j'ai été. Pardon. Je poserais bien une question à Nasser. Toi qui as fait cette intervention avec cette dame, quelle est l'impression que tu as eue en la contactant? Est-ce que tu as eu l'impression que c'est un cas isolé ou est-ce que tu as vu à travers ça un nombre de personnes qui sont concernées ou quelle est la première impression que tu as eue? Si, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont concernés. Il y a beaucoup des familles, surtout des familles avec des enfants. C'est surtout des familles, des mères de famille qui vont là-bas pour récupérer avec leur chariot. Il y a des messieurs aussi, il y a des hommes avec qui viennent avec des courses, avec des sacs de courses. Mais la plupart du temps, c'est des familles ou comme Nadège, une personne seule qui vit seule. Donc voilà. Effectivement, moi, je passe régulièrement devant le local du panier Kouramio à Saint-Chamond. Et je constate que la file d'attente est très très longue, plusieurs fois par semaine effectivement, et il y a vraiment beaucoup de gens qui sont patients, qui attendent leur tour pour recevoir cette aide alimentaire. Ouais, ils sont patients parce qu'ils en ont vraiment besoin, quoi. Ils n'ont vraiment pas le choix d'attendre leur tour et tout ça peut-être pour pas grand chose à la fin, mais c'est toujours un... C'est toujours un petit quelque chose. Voilà, on parle de précarité pour les familles qui ne mangent pas. Moi, ce que je voulais dire, juste deux ou trois mots. Ce qu'ils ont fait à l'asile de nuit, c'est super bien. On peut se poser, rigoler, tout ça. Et il y a des camions qui viennent décharger de l'alimentation. Et moi, j'étais là-bas, mais j'y suis plus. Mais je suis content de ce qu'ils ont fait. Parce que du coup, il y a des camions qui viennent à l'asile de nuit pour distribuer, pour faire la distribution. Voilà. Pour décharger, ouais. Ben, j'y suis et je confirme. D'accord. Et du coup, c'est parce que comment vous, toi par exemple à l'asile de nuit, tu manges tout seul en séparé dans ton, non, dans ton non, espace on, ou... on est enfin deux ou trois par chambre, minimum deux. Bon, bien sûr, il y a l'étage des filles où dans l'étage des filles, il peut y avoir un couple. Mmh. Et là, dans le premier étage, c'est que les garçons. Donc là, on peut être par deux. Pour l'instant, je suis par deux. Mais c'est 20% des revenus. Alors, il y en a qui n'ont pas. Donc, il n'y a pas de revenus. Je ne sais pas comment ça marche. Moi, j'ai l'ASS. Et moi, c'est 20% de mon salaire qui passe en... Pour payer le loyer, la bouffe, okay. Le blanchissement, les vêtements, et la dorme et le chauffage. Et on a même des produits d'hygiène pour prendre une douche. Et c'est effectivement la banque alimentaire qui livre les cuisines de l'asile de nuit pour la préparation des repas. Il arrive aussi que l'asile de nuit puisse délivrer des colis alimentaires pour aider des personnes qui n'habitent pas à l'asile de nuit, mais qui peuvent de temps en temps avoir besoin d'un petit coup de pouce temporaire, exceptionnel. Mais on peut effectivement les solliciter pour un petit coup de main pour un colis. Est-ce qu'il y a eu d'autres échos, d'autres réactions à l'écoute de l'interview de Nadège là, qui a été réalisée par Nasser ? Ouais, Sandy ? Je trouve, moi, que c'est un bel hommage et c'est important de le dire. Enfin, merci à toutes ces associations, à tous ces bénévoles de tout âge, de toute culture, etc., qui œuvrent pour récupérer de la nourriture qui serait très certainement jetée. Et hommage aussi quand même à la loi qui est sortie il n'y a pas très très longtemps et qui interdit maintenant les magasins de jeter et qui, du coup, leur demande de bien vouloir distribuer ça aux associations. Donc, voilà, un bel hommage à ces deux mouvements. Oui, je souhaiterais justement à cette occasion signaler qu'il y a des entreprises, des firmes très importantes en France. Si je peux citer le nom, il s'agit bien de Casino parce que j'y ai travaillé. Cette entreprise a un service, un secteur qui fait de la collecte dans les entrepôts, dans ces entrepôts, des colis qui sont défaits, au lieu de les jeter ou de les laisser, de les perdre, il les donne à des associations caritatives. C'est pour les reconditionner et les redistribuer gratuitement aux personnes qui sont dans le besoin. Voilà. Alors ça, qui a le signaler, ouais. je l'ai vécu. C'est vrai qu'il y a effectivement des distributeurs, soit simplement des magasins qui vont rentrer dans ce genre de démarche. Moi, c'est vrai que dans mon quotidien, je vois aussi autre chose, peut-être le mauvais côté, parce que j'aime bien gratter, moi. C'est que de plus en plus, par contre, on commence à nous vendre des produits périmés ou quasi périmés. Et que justement, j'ai eu l'impression et cru entendre qu'il y avait des distributions d'aide alimentaire comme ça, qui était en train de souffrir un petit peu ça. Ils recevaient par moment moins de nourriture parce qu'en fait les magasins vont baisser un peu leur prix et essayer de vendre au maximum, même le jour où c'est périmé, ou ensuite après dans des centrales d'achat où on a des endroits où on trouve des produits périmés mais qui sont pas donnés et vendus, et qui commencent à se créer quand même avec cette inflation un business de produits qui normalement ne devraient plus être en vente. Je sais pas si vous l'avez vu un peu dans votre quotidien, si vous avez une réaction à... Oui, exact. Enfin, on parle de Saint-Étienne. Par exemple, il y a un nouveau magasin, effectivement, en plein centre-ville, avec que des produits périmés, quasiment. Enfin, j'ai été très surprise de découvrir, moi, ce magasin. Et oui, enfin, je pense que la loi a eu un avantage de faire en sorte que les gens ne jettent pas, mais très certainement aussi un inconvénient où on a essayé de tirer un maximum sur les achats et les ventes, encore une fois, sur les profits. Hein. Il n'y a pas de générosité... qui est arrivé d'un coup d'un seul parmi ceux qui veulent faire des profits à tout prix. Ouais, je reviens à ta question, Loïc. Moi, je dis que... Qu'on s'appelle... Je ne me rappelle plus. Les invendus qu'on vend. Ouais, les périmés qu'on vend. Ouais, je veux dire, ils laissent les produits de côté, tout ce qui est... congélation, au lieu de mettre devant, ils mettent les anciens devant, on est obligé de chercher derrière pour bien prendre les nouveaux produits, voilà. Ouais, ouais, c'est ça. C'est que de plus en plus, pour avoir un produit qui voilà. tient 4 jours, ça devient le combat. Oui, moi je voudrais bien préciser un détail, une petite précision. Quand vous voyez sur l'emballage de produits, essayez de faire attention à ce qui est écrit en bas, si c'est écrit DLC ou DPC. Alors la différence, c'est que la DLC, c'est la date limite de consommation. Et ça, l'article que vous prenez est à mettre à la poubelle. Si c'est une DPC, ce produit est consommable, mais qui risque de perdre un petit peu de sa saveur. Mais il n'est pas nocif pour la santé. Voilà, il est important de voir si c'est une DLC ou une DPC. On dirait que... Intéressant, je ne savais pas, mais c'est intéressant. Tu regardes les DLC et les DPC, toi, Paulin ? Ben, non, je suis à l'asile de nuit, donc je suis nourri par l'asile de nuit. Mais il y a bien des fois où tu t'achètes un petit truc... Oui. Non, jamais. Ok, très bien. Tu as bien raison, ça coûte moins cher. Je n'ai pas les moyens. Eh ben, depuis qu'on a fait le tour un petit peu de ce sujet... Je vous propose de continuer la suite de ce programme. Et la suite, ça va être un nouveau live de Las Vegas. Je vous propose un petit jingle pour faire une pause. Et ensuite, on revient tout de suite à l'antenne pour cette exclusivité mondiale que nous allons partager sur Radio Dio. On ouvre la parole. Réveillez-vous. Radio Dio. 89.5. Alors Nas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce morceau, comment il s'appelle, cette nouvelle exclu? C'est ton troisième ou quatrième live là maintenant que tu vas nous faire, hein? Troisième ou quatrième live il me semble dans cette émission. Comment s'appelle le nouveau morceau que tu as écrit? Alors le titre, j'ai pas vraiment trouvé de titre à celui-là. Je l'ai écrit il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai pas encore trouvé de titre. Ça marche. Eh bien, ce sera le fameux sans titre, comme dans plein d'albums, il est marqué sans titre. Silver Kruger on the track. Faut toujours un début à tout, alors montre-moi tes atouts. Tatouage, pas pour les mages, magicien, sert toujours les siens. Kadhafi et tous les Libyens, on parle bien de liberté. Arrêter, attester, détester, t'attester, entêter, enterrer, déterminer, terrain miné, là c'est terminé. Que veux-tu que je fasse, un face à face, ou que ça parte en fracasse? Où on serre la pince, qu'on se prenne pour des princes. Être adulé à Reims ou au Parc des Princes. Moi je suis stéphanois, casse-moi pas les noisettes. Un petit zeste de Rome, à l'époque je niquais les Grecs et les Romains. Moi je suis Al Bouche, bouge de là, y'a du sang berbère. Afrique du Nord, du fric en pièces d'or. J'ai déjà dormi dehors, la rue je la connais. Y'a deux sens, deux trottoirs, tu descends ou tu montes. Redescends, là tu te trompes, qu'une place au sommet. Palace au soleil. Faut toujours un début à tout, alors montre-moi tes atouts. Tatouage, pas pour les mages, magicien, sert toujours les siens. Je veux devenir un saint, être respecté pour le bien que je donne. Tu sais comme je me nomme, Las Vegas se met toujours en place. Moi je vise le palace, dissous 20 grognasses, sous un parasol, bosse en sous-marin, sans rien dire, tout codé, téléphone à éviter, les condés veulent nous faire la peau. Peau rouge, noire ou bronzée, nous on est visé, on est même à éviter. Ils veulent tous nous enfermer, nous parquer, c'est nous en compter sur les droits de l'homme et du citoyen. Moi je bois du rhum et j'y tiens, je roule des spiffs et je fume bien, je roule de sniff et je tire bien, bien, bien, bien. Et alors je m'en mets plein le corps, c'est le mien, ça c'est mon destin. Nas, toujours une menace, Nas, toujours une menace, Nas, toujours une menace.

la parole. On échange, on apprend et on partage. Et c'est la fin de On a la parole, cet épisode 6, le moment des adieux toujours si déchirant. Est-ce que, très cher, merci en tout cas d'avoir tous et toutes participé à ce temps. Et peut-être que vous avez des dernières choses à ajouter à ce programme avant de finir en musique, bien entendu. Oui, moi je souhaiterais bien dire quelque chose à nos dirigeants. Ben, d'habitude, on demande à nos dirigeants de faire quelque chose, de faire un pas. Ils ne le font pas. Cette fois-ci, on leur demande de ne rien faire ou de faire un pas en arrière par rapport aux retraites. Je pense qu'ils ne vont pas le faire. Merci à toi, Mohamed. Merci à toi, du coup, de nous avoir accueillis à Radio Dio. Merci à Radio Dio de laisser libre antenne à ceux qui veulent s'exprimer. Et merci à tout le monde autour de la table pour ce super moment partagé. Polo, je pense, j'aimerais bien que cette grève de la rue aille porter ses fruits aujourd'hui. Lionel, tu voulais dire un truc? Ouais, ben moi je disais, comme je disais tout à l'heure, j'espère qu'avec le gouvernement, ça va aboutir à quelque chose avec ceux qui ont des difficultés de retrait, à payer à droite, à gauche, de jeter de l'argent par les fenêtres, garder un peu d'argent pour manger, voilà. Merci du coup à tous et à tous pour cette émission, j'ai passé un très bon moment et j'en profite aussi pour faire un petit coup de pub pour l'émission qui du coup vous pouvez retrouver en podcast sur radiodio.org, toutes les émissions de On a la parole. Et on va entendre. C'est Farid. Alors, bonjour Farid. On est le 22 mars effectivement, mais je voulais juste faire un rappel parce que pour moi le 8 mars c'est toute l'année. C'est quand même de rappeler que la majorité des gens concernés par rapport à cette inflation, ce sont encore toujours les femmes. Donc je pense que là-dessus, il faudrait qu'il y ait un très très gros effort par rapport à ça, que ce soit l'égalité des salaires, le truc, la pauvreté, etc. Je pense que pour moi, l'essentiel est avant tout là. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que les choses ne vont pas s'améliorer tant qu'on ne remet pas en cause ce que j'appelle moi la dictature des lois prétendues naturelles du marché. Eh bien, franchement, Farid, toi qui avais refusé de parler pendant toute l'émission, tu nous fais un petit final. C'est l'occasion de présenter, donc, de rappeler qu'on était avec Elsa, avec Mohamed, Léa, Farid, Lionel, Sandy, Polo, Nasser et Xavier dans l'ombre aussi, qui vous étiez deux à ne pas pouvoir parler aujourd'hui. Un dernier mot peut-être, très cher programmateur, animateur vedette. Un petit dernier mot sur l'inflation. Ouais, il faut vraiment que ça bouge, quoi. C'est toujours les mêmes qui en profitent, c'est toujours les plus gros qui mangent et qui distribuent pas assez pour les plus petits. Et les plus petits qui triment pour payer les plus gros et y en a marre. Et je pense qu'on va largement bien clôturer et dans le bon thème avec le morceau qu'a choisi Polo comme final, un grand classique dont tu vas nous parler, mon cher. Ah, pardon, tu voulais, y avait. Oui, vas-y, attends. Je voulais finir avec une expression qui a été dite par un grand monsieur de l'humanité. Il a bien dit la révolution, c'est les intellectuels qui la préparent, c'est les courageux qui la font. Mais c'est les opportunistes qui en bénéficient. Merci, Mohamed. Bon, alors, donc, c'est moi, Apollo, et j'ai choisi ce jour-ci, antisocial de Trust. Alors, parce que je trouve que antisocial et les paroles correspondent bien à ce jour de grève. Ça marche. Bah merci encore pour ton rock'n'roll de choix. Et puis, on se retrouve tout bientôt, bien entendu, sur le 895 de Radio Dio. N'hésitez pas à suivre sur Internet et dans les ondes quand on annonce cette émission, que je vous rappelle est en podcast sur le radiodio.org, tous les épisodes de On a la parole qui sont dans la rubrique Atelier. Merci à tout le monde, merci à vous tous et toutes de ce moment partagé. Merci Radio Dio. Allez.